L'été, on s'en rend pas compte, on fait le plein de vitamine D avec le soleil. On est toujours dehors parce qu'il fait beau et on prend de bonnes boissons rafraîchissantes pour se désaltérer. Quand arrive l'automne, c'est tout le contraire qui se passe. On en parle avec Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier à Barrie. Salut les filles! Salut! Avez-vous fait votre plein de vitamine D aujourd'hui? Pas tout à fait, mais on essaye, là. C'est comme tu disais, c'est plus difficile pendant l'hiver et puis l'automne, mais aujourd'hui, on veut vous donner des petits trucs dans le fond puis vous dire pourquoi c'est important d'essayer de garder ça le plus possible et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, là. Tout d'abord, c'est quoi les bienfaits de la vitamine D qui nous apporte quotidiennement? La vitamine D, c'est plus important pour... la fonction des hormones, comme la facilité de l'absorption de calcium ou de phosphore au niveau digestif, et aide avec fixer le calcium, et va aider à réduire l'état de fatigue chronique. Donc l'hiver, c'est toujours un peu comme un blues d'automne, il y a moins de soleil, on est plus fatigué. La vitamine D, c'est quelque chose que joue un peu aussi sur la dépression saisonnière et puis sur la fatigue. Par contre, c'est difficile parce qu'habituellement, la source principale de vitamine D, c'est le soleil. Alors, l'automne, quand il y en a un peu moins, puis l'hiver, il faut quand même aller dehors. T'sais, même si les rayons sont pas aussi forts, il y a quand même, à travers les nuages, des rayons de soleil qui peuvent nous aider. Là. Parce qu'en fond, ça vient des rayons là, ultraviolets B, oui. Alors, continuez de jouer dehors, prendre une marche. T'sais, même si on est bien habillé, on a quand même notre peau du visage absolument qui est exposée. Et puis, ça l'aide, là, c'est certain. À ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, dont moi, là, qui décident à l'automne d'acheter des vitamines. Un peu toutes sortes, du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D aussi. Est-ce que c'est une bonne chose pour les gens là, de prendre des capsules de vitamines, des suppléments là, par rapport à l'été? Oui, ça a besoin, mais je pense que si tu peux manger quelque chose qui est une nourriture entière, comme manger une pièce de poisson, comme du salmon ou des sardines, quelque chose qui a... un haut niveau de vitamines et minéraux, c'est plus bon que manger, que prendre une capsule de vitamines ou quelque chose comme ça. Si tu veux prendre des suppléments, tu penses que t'en as besoin en plus de bien manger. En ce moment, de faire vérifier tes taux avec ton médecin de famille, ils peuvent t'envoyer passer les prises de sang pour vérifier. Mais c'est vrai que l'hiver, de façon générale, avec la grippe et tout, on a souvent tendance à prendre plus de vitamine D, vitamine C. Chez l'équinacé, c'est toujours un must aussi pour les trucs que les enfants ramènent de la garderie puis de l'école. Sinon, on est toujours malade. Mais, c'est pas une mauvaise idée les capsules, mais comme Kate a dit, c'est de commencer vraiment avec une bonne alimentation. Puis les aliments qui ont le plus, dans le fond, de vitamine D, puis tout, on parle des aliments qui sont plus hauts en gras, en bon gras. Donc, l'huile d'olive, le foie de veau, le saumon, ce qui est comme sardine, thon en boîte. Puis dans un article qu'on lisait aussi, il y avait aussi le chocolat, donc Kate a découvert. Le chocolat noir, bien ça. Oui. Qui n'aime pas le chocolat, hein? Oui, le chocolat noir. Ah, juste noir, ah, juste pas le chocolat au lait. C'est le chocolat noir. OK, ça veut dire au moins 60%. Alors, quand je vais sortir de la station, je vais pas aller m'acheter une barre Mars ou une Kit Kat, là. Vraiment du chocolat noir pur. Un bon petit chocolat tout super foncé. Là, t'as besoin de manger deux petits cubes, là, puis ça va être suffisant. Ah, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont être contents de savoir ça, parce que le chocolat, c'est quand même un must. On aime tout ça, je pense. Hein? Exact. Et puis, puisqu'on parlait d'aller jouer dehors et puis de rester à l'extérieur, même s'il fait un peu plus froid, on voulait vous proposer quelques suggestions de boissons chaudes quand on rentre à l'intérieur. Souvent, on pense à du chocolat chaud. C'est comme les pochettes là, ou le chocolat chaud en poudre ou chose comme ça. C'est quand même assez haut en sucre. Ben moi, je me rappelle que ma mère, c'est ça qu'elle nous faisait quand on rentrait dehors là, après une bonne après-midi à moins 20 pour se réchauffer. Là. Un bon chocolat chaud en poudre, mais vous conseillez pas ça à cause du sucre, entre autres. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, c'est tellement plus simple et beaucoup moins cher de le faire maison. On va vous mettre la recette sur le site et puis tu vas voir le mettre sur Facebook. Mais comme nous, on le fait avec un peu de cacao pur, du lait, ça peut être un petit peu de sirop d'érable. Et puis, parfois aussi, on met quelques pépites de chocolat noir. Moi, j'aime bien mettre un peu de vanille et puis de cannelle dedans aussi pour donner un petit goût épicé. Et puis, ça te permet d'ajuster si tu aimes très chocolaté ou moins chocolaté. Et puis, tu ajustes vraiment aussi. Et puis, comme tu peux faire avec n'importe quelle sorte de lait aussi. Ça peut être un lait de vache, ça peut être un lait de soya, un lait d'amande, peu importe ce que tu préfères à la maison. Tu peux faire à la préférence de ton famille. Mais là, moi, je regarde ça, le faire maison. Si on prend du chocolat noir, souvent, il n'est pas râpé. Je vais-tu passer l'après-midi à râper 5 kilos de chocolat noir pour me faire une petite tasse? Non, pas du tout. Honnêtement, moi, je casse quelques petits carrés, puis je mets ça dans mon chaudron, puis je mets le lait par-dessus, puis je fais bouillir. Un peu comme un bain-marie, là. Ouais. Seulement comme dans ton chaudron, tu mets du lait. Ensuite, quand ça commence à chauffer, tu peux mettre des cubes de chocolat et puis 2 cuillères à table, mettons, de coco. Et puis, 1 cuillère à table de sirop d'érable. Tu mélanges ça avec un fouet et puis le chocolat va fondre naturellement. Est-ce qu'on voit vraiment une différence du taux de sucre entre celui qu'on fait maison et celui en sachet qu'on achète à l'épicerie? Ouais, définitivement. Comme dans le chocolat en poudre, t'as comme, je pense, c'est 40 % de chocolat. Le reste, c'est tout du sucre. OK, alors c'est vraiment conseillé de le faire maison. Ça peut être un thé. Si vous êtes un peu inquiet avec le niveau de caféine, ça peut être des tisanes. Ça peut être une eau chaude avec du citron, de la. Une feuille de menthe. Et puis ça, c'est des options qui sont sans caféine aussi, qui sont bonnes pour la santé pour les jeunes. Et puis à ce moment-là, ça donne d'autres options. L'agrumes, c'est bon pour la vitamine D encore puis la vitamine C. Mais disons que le thé est revenu à la mode depuis quelques années, quand on voit le David's Tea, toutes sortes de thé. Alors, pour les jeunes, ça peut être plus attrayant que la belle petite pochette de thé que nos parents mettaient là, après qu'ils aient mangé ou qu'ils soient revenus de dehors là, pour se réchauffer aussi. Oui, David's Tea, un thé que j'aime bien pour les enfants, c'est Cold de 911. Fait que parfait pour l'hiver puis la grippe. Et puis, ils ont plein de tisanes aussi là, que nous, à la maison, on les fait chaudes, on les fait froides, on les fait en popsicle. Donc, dépendamment de la situation. Là. En terminant, mangez comme il faut vos vitamines D, le poisson qui est un peu plus gras, entre autres. Aussi, jouez dehors. Continuez de jouer dehors pour avoir les rayons de soleil. Peut-être aussi pour les gens qui en ont besoin. Prendre des vitamines. Et une petite boisson quand on va rentrer cet hiver de notre périple. Peut-être qu'on aurait été faire du ski ou faire du patin en famille. Une bonne boisson chaude faite maison, c'est beaucoup meilleur que des sachets achetés à l'épicerie. Stéphanie Ray et Kate Anna du service de traiteur Le Gosier à Barrie, je vous remercie. Merci, bonne journée. Salut. Salut.